dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer et de mieux traiter dans quelques cas avec l'ADN. L'espoir finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens. Ce que vous allez entendre dans cette émission est sidérant. Les pesticides, les plastiques ou les résidus de médicaments qui sont rejetés de notre environnement affectent le développement du cerveau des enfants quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Pour Barbara Demenex, biologiste, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, l'intelligence des nouvelles générations est en péril. En cause, les perturbateurs endocriniens omniprésents dans les jouets, les emballages, les cosmétiques et même les boîtes de pizza. Lorsque Barbara Demenex a commencé à s'intéresser au sujet il y a 25 ans, peu de chercheurs la prenaient au sérieux. Aujourd'hui, tous lui emboîtent le pas. C'est d'ailleurs à Barbara Demenex et à son collègue Rémi Slama que le Parlement européen a demandé un rapport sur les perturbateurs endocriniens. Ce rapport a été remis en avril dernier. Barbara Demenex est une chercheuse très engagée. Les aventuriers sur France Inter. Oui, je suis une scientifique engagée. Certains m'appellent une lanceuse d'alerte. D'autres considèrent que je suis juste quelqu'un, un scientifique, qui prend ses responsabilités. Moi, je considère que je suis une citoyenne qui agit parce que je suis au courant des problèmes de la perturbation endocrinienne. Je sais que les nombres de produits qui peuvent interférer avec notre système hormonal a augmenté exponentiellement ces derniers temps et j'essaie de tirer la sonnette d'alarme. Vous êtes même considérée comme la spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens. Non? Ouais, je ne pense pas que je suis la seule, pas numéro un. Je suis parmi des spécialistes de la perturbation endocrinienne. Et heureusement, on est nombreux parce que on a besoin de différentes voix, on a besoin des pédiatres on a besoin des endocrinologues comme moi-même, qui font de la recherche fondamentale, des gens qui travaillent sur les androgènes, parce qu'il y a une telle panoplie de produits qui interfèrent avec la santé et la biodiversité. Donc, on a besoin des écologistes, on a besoin de plusieurs personnes avec des formations interdisciplinaires pour faire front au lobby des industriels qui disent qu'il n'y a pas de problème. Alors, il y a des problèmes. On vous a même demandé un rapport. La Commission européenne vous a commandé un rapport que vous avez remis au mois d'avril dernier. Qu'est-ce qu'il disait, ce rapport? Le rapport dit haut et clair qu'il y a une augmentation des maladies non infectieuses en Europe. Ceci peut être mis en relation avec la perturbation endocrinienne. C'est très clair. Que ce soit des données obtenues par l'épidémiologie ou obtenues par l'expérimentation animale, ils sont concordants et il y a des effets sur notre système hormonal. Après avoir établi ces faits, on a évidemment parlé des coûts, qu'est-ce que ça nous coûte pour la société, et on a fait un certain nombre de recommandations parmi lesquels qu'on doit considérer les perturbateurs endocriniens comme on considère les molécules qui interfèrent avec l'ADN, les carcinogènes. Barbara Demenex, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de quoi? Il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus acceptée, c'est celui de l'Organisation mondiale de la santé qui dit très clairement qu'une perturbateur endocrinienne, c'est une substance ou un mélange de substances qui va interférer avec notre système hormonal et induire un effet adverse, un effet néfaste. Donc, c'est synthétisé par l'homme, mais c'est provoqué par quoi? C'est notre quotidien qu'on veut de plus en plus simple, on veut de plus en plus vite. On veut des repas déjà emballés, on n'a pas besoin d'éplucher des légumes. Et tout ça, ça peut introduire des perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Est-ce que, pour résumer, on peut dire que certaines molécules de synthèse interfèrent avec le fonctionnement de la glande thyroïde? Ah ben, pour la glande thyroïde, c'est très, très, très net. On a quand même des pesticides, on a des plastifiants, on a des retardateurs de flamme. On a énormément de produits produits par l'homme qui peuvent interférer avec le système hormonal. On consomme trop de plastique. Ben, c'est évident. En Angleterre surtout, ce qui est étonnant, il y a un mouvement pour empêcher l'utilisation des plastiques, surtout les plastiques à une seule utilisation. En France, on commence à faire la même démarche et il faut accélérer. Il faut absolument essayer de limiter notre utilisation de plastique. 5 mars 1970, un reportage de Michel Chevalet pour la radio. Lorsque l'on parcourt les stands du Salon des Arts Ménagers, la première chose qui frappe, c'est le nombre d'objets qui sont fabriqués en matière plastique. Depuis quelque temps, on a assisté à une véritable invasion. À telle enseigne que nos grands-mères, lorsqu'elles se promènent dans une boutique, disent « Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas en matière plastique ?» Le fer disparaît peu à peu, car on avait des ennuis avec la corrosion. Le plastique le supplante. Ça, c'était il y a 50 ans. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, ça me fait penser au film Le Lauréat, où il y a effectivement une scène où un monsieur approche du lauréat et dit « Je vais vous dire une seule chose. » « I just want to say one word to you. Plastics. » « Plastics. » Et il encourage à rentrer dans l'industrie du plastique. À l'époque, on croyait vraiment que c'était la solution à tout. On commence à vendre des tapemouets partout. Eh ben, maintenant, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que ça fait le plastique ? Ah ben, les microplastiques, ça va rentrer dans l'eau, ça va rentrer dans les poissons, ça va rentrer un peu partout dans notre corps. Ça provoque quoi chez l'homme, par exemple ? Ah ben, certains plastifiants qui sont utilisés dans les plastiques, par exemple le bisphénol A, il était associé, on a démontré des effets obésogènes, on a démontré des effets carcinogènes, on a démontré des effets sur la reproduction, on a montré des effets même sur le fonctionnement thyroïdien et le fonctionnement du cerveau. Donc vraiment, c'est très difficile de contrôler l'utilisation des plastiques et qu'est-ce qui devient dans notre environnement. Le bisphénol A, on n'en parle pas depuis si longtemps que ça. La première fois qu'on en a parlé à la télé, c'était il y a 20 ans. 30 septembre 1999, journal de France 2. Le bisphénol A est prononcé pour la première fois à la télévision. L'analyse a été effectuée sur 409 produits. 409 boîtes de conserve achetées dans 5 pays. Belgique, Espagne, France, Italie et Portugal. De cette analyse, il ressort que deux produits, le bisphénol A, diglycédyl éther et le biphénol F ont contaminé la nourriture se trouvant à l'intérieur. Ces deux substances proviennent du vernis. Il sert à isoler l'acier de la boîte des aliments. Cette fine pellicule n'a apparemment pas joué son rôle. Les aliments ont été touchés. Nous demandons que l'on légifère et qu'on interdise à titre de précaution jusqu'au moment où, preuve à l'appui, les producteurs nous démontreront que ces produits sont inoffensifs. Les produits trouvés sont-ils dangereux, cancérigènes, affirment certains. Cet après-midi, le porte-parole européen du comité scientifique de la Commission a répondu. Il n'existe pas de preuves à l'heure actuelle en ce qui concerne l'effet cancérigène systématique de ces produits. Alors, il disait biphénol et non pas bisphénol. Et aujourd'hui, on a découvert que le bisphénol pouvait être dangereux. Absolument. Comme je viens de dire, on a déjà démontré des effets carcinogènes, on a montré des effets sur le fonctionnement du cerveau, on a montré des effets sur la fertilité et sur la perméabilité de l'intestin. Et donc, le bisphénol A peut augmenter la perméabilité de l'intestin et donc permettre à d'autres substances de passer aussi. Donc, c'est un vrai problème. De dire qu'il n'y a pas d'effet systématique est quand même bien contredit aujourd'hui. Ça, c'était en 1999. Mais au mois d'avril, lorsque vous avez rendu votre rapport, comment est-ce qu'il a été perçu ? Dans le rapport, on pointe le doigt sur le bisphénol A parmi d'autres substances. Par exemple, en France, on a quand même interdit le bisphénol A dans les biberons et aussi dans les revêtements à l'intérieur des boîtes de conserve. Mais En faisant cela, on a fait que même pas la moitié du chemin, parce qu'une femme enceinte à une période extrêmement vulnérable de la vie de son fœtus va être exposée par d'autres moyennes. Elle va être exposée dans les cosmétiques, elle va être exposée dans les produits qui rentrent en contact avec la nourriture, comme on avait déjà démontré. Ça n'est pas caché. Pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Oui, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça a déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. On écoutait Batlik qui chantait Avalanche. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Beaucoup de molécules de synthèse sont capables d'interférer avec le fonctionnement de la glande thyroïde et nous font perdre la tête. Elles affectent le cerveau. De multiples études le démontrent aujourd'hui. Depuis l'an 2000, le QI des enfants est en baisse dans les pays industrialisés. Pour Barbara Domenech, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, il y a un déclin de nos capacités cognitives et il est lié à l'environnement. Ben oui, il n'y a pas que moi qui décrit cet déclin cognitif. Il y a plusieurs auteurs qui le démontrent. Et ce qui me préoccupe particulièrement, c'est l'environnement prénatal, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le liquide amniotique, parce que tout à l'heure, on parlait de bisphénol A. On sait que le bisphénol A passe le placenta, comme tellement d'autres produits, et se trouve dans le liquide amniotique. Donc l'enfant baigne littéralement dans un cocktail de substances qui peuvent interférer avec le développement de son cerveau et le reste de le fonctionnement de l'organisme. Ça veut dire qu'une femme enceinte ne doit pas être en contact avec des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que oui, une femme enceinte, il faut limiter son exposition à des perturbateurs endocriniens. C'est impossible qu'elle ne soit pas exposée, parce qu'elle va être exposée dans la nourriture, avec les pesticides et avec des substances qui rentrent en contact avec la nourriture avant qu'elle ne mange. Elle va être exposée par l'eau qu'elle boit, elle va être exposée par les cosmétiques, il faut limiter ça, et dans l'air aussi, qu'elle respire. Donc c'est impossible qu'elle ne soit pas exposée. Mais on peut quand même essayer de limiter son exposition. Quelles sont les conséquences pour les enfants à naître? Vous avez constaté notamment une hausse de l'autisme, c'est ça? Il y a une augmentation faramineuse des taux de l'autisme aux États-Unis, où c'est le mieux documenté. Et aujourd'hui, on est à un enfant sur 59 ou un garçon sur 39. Alors, en France, on n'a pas aussi bonnes statistiques, mais aux États-Unis, on a pu démontrer que ces taux d'autisme étaient, il y avait un plus grand risque si la mère était exposée pendant sa grossesse très près d'une application de certains pesticides. Donc, on a pu faire le lien entre pesticides et autisme. On a pu aussi faire le lien entre certains plastifiants et le risque d'autisme qui augmente. Donc, on sait que les perturbateurs endocriniens, certains entre eux, peuvent augmenter le risque d'autisme, surtout dans la période prénatale. Quelles autres conséquences? Toutes les maladies neurodéveloppementales qu'on a pu regarder, que ce soit le déficit d'attention, ce qu'on appelle déficit d'attention ou hyperactivité, ça aussi, ça atteint 10% des garçons aux États-Unis, 14% des enfants en tout. Et donc, le coût de ces maladies neurodéveloppementales est énorme. Et aussitôt que, il y a le coût en termes de productivité, de perte pour la société, mais il y a aussi le coût en termes de, si on a un enfant hyperactif dans une classe, le professeur va avoir du mal à faire la discipline, à se concentrer sur les autres. Donc, aussitôt qu'il y en a un qui pose problème, ça va affecter la scolarité des autres. Donc, on est devant une situation très complexe. Vous avez constaté aussi, je crois, une baisse du QI. Certains vont contester ce résultat. Pour d'autres, c'est extrêmement clair. Numéro un, on va, par exemple, les mères qui étaient exposées au PCB avaient des enfants qui avaient un QI qui était baissé, les plus exposés, de 5 points. La même chose a été vue pour le mercure, la même chose a été vue pour, évidemment, le plomb. Donc, chaque fois qu'une mère est exposée à une très forte dose de 1 ou 2 substances, le QI de l'enfant risque de baisser, surtout s'il y a un problème avec les perturbations endocriniennes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal d'études qui montrent sur des populations qu'on devient un peu plus bête dans le niveau d'éducation aujourd'hui. Il y a eu cette étude en France qui montre qu'on a perdu 4 points de QI quand on compare un test qui a été donné en début des années 2000 contre un test qui a été donné 10 années plus tard. Donc, il y a un faisceau de données qui suggère qu'on a perdu un certain nombre de points de QI dans les dernières 50 ans. Après avoir eu une augmentation, c'était l'effet Flynn, là, on est de plus en plus vers une pente descendante. Une autre chose que je peux citer, c'est quand même les données des conscrits en Finlande et dans les pays scandinaves, où on a encore noté une baisse de QI. Donc chez les militaires. Chez les militaires. Et ça, c'est très standardisé, très standardisé. Donc, il y a plusieurs jeux de données qui nous montrent la même chose. Thank you. Barbara Domenech, vous parlez des perturbateurs endocriniens. On a parlé des plastiques, on a parlé du bisphénol A, vous avez évoqué les cosmétiques, vous avez aussi parlé des pesticides. Qu'est-ce qu'on sait sur les pesticides aujourd'hui ? Le glyphosate, on en parle énormément. Qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet ? Le glyphosate, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que bon, déjà, sans parler du glyphosate, il y en a assez de problèmes. Par exemple, l'autorité européenne pour la sécurité de la nourriture, d'alimentation, a publié que sur les 287 pesticides qu'ils ont regardés, il y avait 101 qui affectaient le système thyroïdien. Donc, qui pouvait affecter le développement du cerveau, et encore 97 autres qui pouvaient affecter le développement neuronal indépendamment de la thyroïde. Donc, voilà, vous avez deux tiers des pesticides sur le marché qui peuvent interférer avec le développement du cerveau. Et après, on se demande pourquoi il y a peut-être une baisse d'intelligence en Europe. Dans quels produits encore on trouve des perturbateurs endocriniens ? Les retardateurs de flamme, c'est-à-dire ici on va en trouver dans la moquette, dans les rideaux, dans les ordinateurs, ces retardateurs de flamme qui sont sans doute trop vendus parce qu'on n'a pas besoin d'autant. Il y a des surfactantes, les substances perfluorées qu'on va utiliser comme imperméabilisant, mais on va les utiliser non seulement pour imperméabiliser les manteaux, mais on va les utiliser pour imperméabiliser des matériaux qui vont être en contact avec la nourriture. Par exemple, dans les boîtes de pizza, on va trouver quand même des substances perfluorées. Les boîtes de pizza, il y a des perturbateurs endocriniens. Malheureusement, oui. Dans quoi d'autre encore ? Ils sont vraiment ubiquitaires parce qu'on va trouver des perturbateurs endocriniens dans des produits médicaux, on va trouver dans les implants, on va trouver dans les produits de consommation courant, dans les shampoings, dans les crèmes, on va les trouver dans les jouets. Voilà, quelque chose qui est vraiment incroyable, l'industrie des jouets qui freine des cas de fer, comme on dit, pour ne pas légiférer plus sur les contenus en perturbateurs endocriniens dans les jouets. Donc, on va les trouver dans l'ameublement et dans la moquette, et c'est pas étonnant qu'ensuite, on va les trouver dans la poussière de la maison. Alors, les petits-enfants sont particulièrement vulnérables parce que eux, ils rampent par terre, ils vont mettre les doigts à la bouche, etc. Donc, c'est vraiment un scénario assez difficile à maîtriser. Vous avez expliqué tout à l'heure que les enfants sont touchés surtout quand ils sont dans le ventre de la maman. Mais quand ils sont nés et qu'ils jouent avec ces jouets, qu'ils sont sur la moquette, qu'est-ce qu'ils risquent ? Voilà, le cerveau est en train de développer. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide le développement du cerveau dans le milieu intra-utérine, dans la période prénatale, mais aussi, on voit un enfant qui naît et qui va apprendre à marcher. Il y a beaucoup de maturation, les processus de maturation de son cerveau. La myélinisation, cette procédure qui va permettre à l'enfant de marcher, de parler. Tout ça, c'est postnatal, c'est après. Et tout ça, c'est dépendant aussi des hormones thyroïdiennes. Donc, tous les produits dont on vient de parler, que ce soit des retardateurs de flamme ou des surfactantes, tout ça a le potentiel d'interférer avec ces processus de maturation du cerveau. Et donc, le petit enfant est aussi à risque, peut-être pas tout à fait autant que quand il est dans le ventre de sa mère, mais le risque existe. Là, on a parlé des enfants, mais est-ce que les adultes aussi sont menacés ? Pour les adultes, nous savons quand même que la fertilité peut être réduite si on a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui circulent dans notre corps. Ça, c'est déjà démontré. Il y a une question qui n'est pas encore, on n'a pas encore les données pour répondre. C'est surtout, est-ce qu'il y a une relation entre les perturbateurs endocriniens et les maladies neurodégénératives? C'est-à-dire les maladies de l'Alzheimer's. Bon, pour certains pesticides, on a déjà démontré un effet avec une relation avec le Parkinson's. Mais pour l'Alzheimer's et d'autres maladies neurodégénératives, on n'a pas encore les données. Mais c'est une question qu'on me demande souvent. Et j'aimerais beaucoup avoir une réponse un de ces jours à cette question. On retrouve Barbara Domenech après Gary Jules, Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very mad. Perturbateurs endocriniens commencent à intéresser les chercheurs dans les années 70 quand ils font des découvertes étranges aux abords du lac Michigan aux États-Unis. Des femmes enceintes sont testées, leurs enfants suivis. L'histoire fait froid dans le dos. Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens sont incriminés dans l'explosion du diabète, de l'obésité, de l'autisme et d'autres troubles du comportement. Les travaux de Barbara Domenech, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, sont reconnus par la communauté internationale. Les scientifiques ont commencé à s'intéresser à la question de la perturbation endocrinienne dans les années 80. 90 plutôt. Et là, il y a eu le congrès Wingspread où on a déjà annoncé que la fertilité dans la biodiversité était en train de baisser, que la fertilité humaine était aussi en train de baisser. Donc, déjà à la fin des années 90, on avait déjà établi la relation entre la perturbation endocrinienne et la santé des êtres humains et la biodiversité. Parce que dans ces années-là, on baignait et on baigne encore dans un univers bourré de produits chimiques. C'est pas seulement qu'à cette époque, on baignait dans des produits chimiques, mais qu'aujourd'hui, depuis les années 70, on a la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois. Et ça, c'est des données des Nations Unies. Donc, c'est pas que... on est resté constant ou qu'on a baissé la production de l'industrie chimique, mais on est en train d'augmenter exponentiellement. Dans les années 50, on vantait beaucoup les vertus de certains produits chimiques, dont le DDT. Le DDT était effectivement vu comme un pesticide, un peu un miracle. C'était appliqué avec un tonnage extraordinaire parce qu'on pensait que ça pouvait contrôler le paludisme, que ça allait contrôler le nombre d'insectes qui faisaient baisser la production ou le rendement de l'agriculture. Ouais. Mais après... C'est qu'après, heureusement qu'on a gardé des échantillons de sang de femmes exposées à cette époque, parce que c'est 50 ans après qu'on a pu démontrer que des femmes exposées lors de leur grossesse au DDT, la probabilité que leur fille ait un cancer du sein a été augmentée de 4 fois. Donc on a pu montrer les effets du DDT. Évidemment, il y en a direct sur la personne qui est exposée, mais il y a aussi sur la descendance. 11 novembre 1951, Radio-Télévision française. Le professeur Balachowski, entomologiste et chef de service à l'Institut Pasteur. De tous les insecticides de contact, ceux qui présentent le plus d'intérêt sont indiscutablement aujourd'hui les composés organiques de synthèse qui sont surtout désignés par l'abréviation de leur dénomination chimique et dont le type est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le DDT, dichlorodiphényltrichloréthane, DDT. Ce sont des composés très toxiques vis-à-vis des insectes, qui agissent souvent à des doses extrêmement faibles. Ils agissent sur un très grand nombre d'espèces nuisibles. Plus de 10 000 tonnes de DDT sont utilisées en France chaque année. Il agit à la fois par contact et ingestion. 1 mg de DDT répandu sur 1 cm carré de surface suffit à tuer les mouches qui s'y poseront pendant une fraction de seconde. C'est affreux, non? Oui, c'est affreux. Effectivement, la grande utilisation du DDT était la période post-guerre. On l'avait utilisé beaucoup pendant la guerre, mais c'était la période, vraiment son essor a été la période post-guerre. Et c'est 10 ans plus tard, en 62, que Rachel Carson a décrit les problèmes avec la faune, avec les poissons et les oiseaux qui dépendaient des insectes qui étaient tués par le DDT. Donc c'est une scientifique américaine. Rachel Carson a été une biologiste américaine qui avait observé le chute faramineux le nombre de poissons et surtout des oiseaux, y inclut le oiseau qui est le symbole des États-Unis, l'aigle chauve, et les effets sur ces populations parce qu'ils étaient affectés par le DDT. Déjà dans les années 60. Et puis, dans les années 80, on commence à se rendre compte que ces molécules peuvent se révéler très dangereuses. Et vous aimez bien raconter l'histoire des PCB du lac Michigan. Au lac Michigan, d'abord, on savait qu'il y avait une très forte contamination des PCB. Mais au lac Michigan, il y avait aussi un accident industriel qui avait fait en sorte qu'on avait demandé aux femmes de tester le taux de différentes sortes de produits dans les PCB, dans le sang. Et c'est à partir de ça où on a pu constater que les enfants qui étaient nés à ces femmes avaient un QI de 5 points plus bas que celle des enfants qui n'étaient pas exposés dans le ventre de la mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident, des poissons ont absorbé ces PCB, ces poissons ont été consommés, c'est ça? Il y a ça, mais d'abord il y a eu l'effet que les poissons étaient contaminés par les PCB et les mères qui mangeaient beaucoup de poissons étaient aussi contaminées par le fait que les PCB contenus dans les poissons vont rentrer dans le tissu adipeux de la personne qui les mange. Les PCB étaient utilisés comme isolants, c'est ça? Les PCB étaient utilisés comme isolants des produits électriques après la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, on a eu l'augmentation des pesticides et on a eu l'augmentation de l'utilisation des PCB dans le matériel électrique. 1981, Télévision universitaire du Michigan. 95% des ressources en eau potable du territoire des États-Unis, soit un cinquième des ressources du globe, sont contenues dans les grands lacs américains. Mais comme dans beaucoup d'autres sites aux États-Unis, l'eau des 5 grands lacs est polluée. Des zones sont contaminées par des produits chimiques. DDT, PCB, PBB, dioxine, métaux lourds, radium, ammoniac, arsenic et bien d'autres substances. Barbara Domenech, est-ce qu'il a fallu cette catastrophe du lac Michigan pour que les scientifiques réalisent combien ces molécules étaient dangereuses ? Oui, il a fallu les désastres du lac Michigan et les autres grands lacs pour que les gens se rendent compte que ces molécules étaient aussi dangereuses qu'ils sont. Et effectivement, on a banni la production à la fois de DDT et de PCB par la suite. Mais le problème, c'est qu'ils sont extrêmement résistants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, surtout les PCB, parce qu'ils sont résistants à la lumière et à la dégradation de chimiques de tout genre. Donc, ils ont été choisis spécifiquement pour cela. Et donc, ils sont toujours, aujourd'hui, présents. Et donc, les substances qu'on a choisies pour remplacer le DDT ou les substances qu'on a choisies pour remplacer les PCB, ils s'ajoutent aux effets des PCB et du DDT qui sont toujours présents dans notre environnement. J'aimerais bien que vous nous racontiez maintenant comment vous travaillez. Vous avez mis au point des méthodes pour détecter les polluants. Oui, pour détecter les polluants, nous, on a mis au point un système qui dépend des hormones thyroïdiennes qui sont présentes dans un tout petit têtard, c'est-à-dire un têtard de grenouille. Un têtard, pour devenir une grenouille, a besoin des hormones thyroïdiennes. Et les hormones thyroïdiennes chez un têtard sont exactement la même que les hormones thyroïdiennes chez nous. Moi, j'aime bien dire que une fois que l'évolution a mis au point les hormones thyroïdiennes, il n'a pas changé un seul atome. Parce que c'est exactement la même chose chez un poisson, chez un têtard, chez un serpent que chez l'homme. Et donc, 500 millions d'années d'évolution n'a pas changé un seul atome des hormones thyroïdiennes. Et donc, on peut tester si un produit dans notre environnement interfère avec le métamorphose ou des têtards. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis un gène qui va s'allumer et donc on peut voir la fluorescence dans le têtard. Pour résumer, vous mettez un têtard dans un environnement et si l'environnement est pollué, il devient fluorescent. C'est-à-dire le niveau de fluorescence va changer en fonction de la pollution. La fluorescence peut être diminuée ou ça peut être augmentée. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'eau qui va interférer avec les hormones thyroïdiennes. Est-ce qu'il y a des environnements qui ne sont pas pollués? Malheureusement, il n'y a pas d'environnement qui ne sont pas pollués. Mais il y en a certains qui sont bien plus pollués que d'autres. Parmi tous les échantillons que vous avez testés, est-ce que vous en avez quelques-uns en tête? Il y en a deux qui me reviennent. Le premier, c'est qu'on avait fait avec Sabrina Grief, des échantillons d'eau qui venaient d'Ouganda, là où il y a des chimpanzés et des babouins. Et là, on avait effectivement trouvé que des échantillons d'eau étaient extrêmement pollués. Mais aussi en France, on va trouver la sortie des usines. Justement, on n'a plus le droit de tout rejeter dans l'eau. Et si on teste ce qui est avant et après filtration, ben là, on va quand même trouver que, heureusement qu'il y a de la filtration. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des produits, des pharmaceutiques dans l'eau. Parce que ces produits chimiques impactent les humains, mais tout le monde du vivant est impacté. Effectivement, on est tous touchés par la perturbation endocrinienne, évidemment la santé humaine, mais la biodiversité, on a donné l'exemple des insectes, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a ce concept de santé unique et c'est une santé qui va de l'environnement à l'homme. Enough when the going is tough, I wait till it falls on. Without the boundaries of love, my take is I wish there was a better way. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every letter you send. Yo, I've been listening to dreamy days. I'm in disarray. I realize it's everybody else who's still astray. I feel ashamed, I know there ain't no saving away. They went astray, I went Australia. So what I'm supposed to say to them? When all this love's out of range, everything around me changed, I'm supposed to stay the same. Turned down these free drinks I couldn't even name, and that, like all this money, isn't fucking up my brain. I've been going insane. Shell full of family remains, broken hearted, seeking none of them again. I pull the glass, stick my head out in the rain, try and find another person I can blame. Sat up on this plane, and yo, I'm praying that we don't crash, cause every night I shiver at the sight when we go back. Cause every night could be my last, and yeah, I know that. So I crack a smile for it goes black, trust. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, when wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, when wet in the pen, every letter you suss. I wish you'd been there when my dad had died. I wish you'd been there when my mother cried. I wish you'd been there in the dragon night to see my side, look me in my eyes when I was paralyzed, and tell me everything's alright and push it to the side. It's just a sacrifice. At times I told a bag of lies, but not a pack of lies but yours. Told a couple ones, of course it was true. You only knew me from the dramatized. I feel an agonizing risk, cause in a thousand islands this is where I really wanna be. When we were cracking wise, cause it was black and white, literally black and white. White from my mother and my father was the blackest skies. I can see it's true. I see my mother up in you. Shit, I think my dad would see it too. Yeah, I just wish he knew. Every second you spend, when wet in the pen, every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, when wet in the pen, every letter you send. Imagine all the friends you see most, each one you're paying a wage, dependent on you putting pen to the page. And so you break it down, checking they're paid. Another day you're heartbreaking, you were sent to the stage. You feel that same rage, watch the crowd, watch the stage thinking shit, rather in the crowd with your mates drinking. Misbehaviors, catch another dame winking. You feel ashamed, guzzle Jaegers, your brain's sinking. You think it's deep, don't think it's depression, a misspent adolescence. But all this time, times of the essence, you would never learn from your lessons. You're stuck in that same quintessence, heartbreak, one in the same. Days change, but you're stuck in a game. It's like she's telling you you're young enough to be your uni. Somehow the one who sees through me. C'était Loose Ends avec Loyal Carner et Georgia Smith. Les aventuriers sur France Inter. Des dizaines de milliers de produits chimiques sont actuellement sur le marché et on connaît mal leurs effets sur la santé et sur la biodiversité. On les retrouve dans les plastiques, les retardateurs de flammes bromées, dans les voitures, les téléphones portables, dans les produits rejetés par les usines ou les hôpitaux. Ils sont aussi à la maison, dans les produits ménagers, la lessive, les teintures, les cosmétiques, les filtres ultraviolets des crèmes solaires. L'être humain est plongé dans un mélange sans précédent. Pour la chercheuse Barbara Demenex, les réglementations ne sont plus adaptées. Il faut déjà dire en entrée de jeu que la réglementation européenne est quand même une des meilleures au niveau mondial. Cependant, ce n'est pas parfait et loin de ça. On a déjà mis en place donc la réglementation sur les pesticides et sur les biocides. Mais c'est pas assez. Mais c'est absolument pas assez. Et même les tests ne sont pas parfaits et ils sont pas assez appliqués. Donc, on sait qu'il y a des problèmes avec la réglementation des pesticides et des biocides. En plus de ça, on peut être exposé à des perturbateurs endocriniens dans les jouets, comme on vient de dire, les produits de consommation courants, les surfactantes, etc. Et il n'y a pas de cohérence actuellement entre les réglementations qui couvrent ces différents secteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, nous, dans notre rapport, on suggère, numéro un, que on donne une cohérence, qu'une substance qui est interdite dans un secteur, dans une utilisation, devrait être interdite dans une autre, qu'il n'y a pas d'exception. Une autre chose qu'on peut faire, c'est que ce qu'on suggère fortement, que les perturbateurs endocriniens soient pris au même niveau de préoccupation que les substances qui causent les mutations dans les gènes ou les carcinogènes. Et on peut mieux appliquer le principe de précaution. Comment est-ce qu'on est arrivé, à votre avis, à l'interdiction du bisphénol A dans les biberons? Oui, on a réussi à interdire le bisphénol A dans les biberons et on a interdit aussi en France dans les matières qui vont rentrer en contact avec dans les boîtes de conserve. Oui, c'était ce film blanc qu'on pouvait voir dans les boîtes de conserve. Oui, c'est ça. Alors, on a pu interdire le bisphénol A dans ces produits, mais, comme j'ai déjà dit, les femmes enceintes sont exposées à une période beaucoup plus vulnérable de la vie à d'autres sources de BPA. 23 juin 2010, Journal de France 2. Il peut être en verre ou en plastique, mais désormais le biberon, c'est sans bisphénol A. Un nom barbare pour cette molécule chimique qui rentre dans la composition de nombreux objets du quotidien. Film alimentaire, canettes de boissons, intérieur des boîtes de conserve, le bisphénol A est partout. Les chercheurs suspectent le bisphénol A d'engendrer des perturbations hormonales, pouvant favoriser le diabète, les maladies cardiovasculaires et les troubles de la reproduction. Des études sont encore en cours pour évaluer son impact exact chez l'homme. En attendant leurs résultats, dans le monde, deux pays ont interdit le bisphénol A, non seulement dans les biberons, mais aussi dans tous les plastiques alimentaires, le Canada et le Danemark. Une réaction? Eh ben, je trouve que le Danemark et le Canada étaient effectivement, ils avaient raison, et le discours est aussi juste. Parce qu'effectivement, on a pu démontrer les effets du BPA comme molécule impliquée dans l'augmentation du poids et donc le diabète de type 2, qui peut interférer avec la fertilité, qui peut interférer avec le fonctionnement du cerveau, à des doses très minimes. Il y a beaucoup de produits qu'il faudrait interdire, comme le bisphénol A. Sans doute pas énormément. Il faut mieux tester avant la mise sur le marché, plutôt qu'après, quand tout le monde est contaminé. Mais c'est très difficile à savoir, parce que justement, comme les tests ne sont pas là, on ne peut pas savoir combien de molécules il faudrait vraiment limiter ou bannir. Vous avez dit en début d'émission que le poids des lobbies industriels était très puissant. Vous qui luttez contre ces produits chimiques, ces perturbateurs endocriniens, est-ce que vous êtes menacé parfois? Personnellement, non. Évidemment, ce que je peux dire peut être critiqué et les gens ne vont pas se limiter dans les critiques. Et je sais qu'il y a des gens qui, comme on dit, des trolls qui contredisent tout ce que je dis. Cependant, entre différents journalistes qui défendent ces mêmes idées, des organisations non gouvernementales qui luttent, je pense qu'on commence à changer la donne et on est en train de, peut-être pas gagner la bataille, mais au moins d'infléchir les décisions réglementaires. Parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Évidemment, cette baisse de QI pourrait continuer. Les nombres de maladies non infectieuses vont augmenter. La fertilité va baisser. L'obésité peut augmenter. Et l'espérance de vie va. Déjà, aux États-Unis, OK, on dit que c'est dû à l'épidémie de l'utilisation des opiacés, mais dans d'autres pays, on a déjà constaté une baisse de l'espérance de vie. Et il faut pas oublier que les statistiques qu'on a actuellement sont faites sur les gens qui étaient nés dans les années 20, voire même les années 1910, ou bien avant l'explosion de la utilisation à la fois des pesticides et les plastifiants et la contamination qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul enfant qui naît qui n'est pas contaminé par des dizaines, voire même des centaines de substances chimiques, dont certaines peuvent être des perturbateurs endocriniens. En 1920, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que vous conseillez au quotidien de faire? Il y a des très bonnes études qui montrent que si on mange bio, on peut quand même baisser son exposition et les effets de l'exposition aux pesticides. On peut essayer d'utiliser des cosmétiques qui sont aussi bio. Et si on est enceinte, on devrait essayer de ne pas en utiliser. Et si c'est une histoire d'utiliser de la crème solaire, il vaut mieux plutôt mettre une chemisier ou quelque chose comme ça et un chapeau. Donc, on peut faire des choses au quotidien. Et il y a une chose que je maintiens, c'est qu'avant de prévoir une grossesse, on peut quand même utiliser de l'iode, des cachets de l'iode, 150 microgrammes par jour. Ça protège? On a l'hypothèse de travail qu'au lieu d'avoir deux problèmes, c'est-à-dire un manque d'iode et l'exposition aux perturbateurs endocriniens, on n'aurait qu'un problème si on prend suffisamment d'iode dans ces petits cachets. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez? Moi, je m'interdis évidemment la nourriture qui n'est pas bio. Je m'interdis aussi d'utiliser des récipients en plastique pour stocker la nourriture. Et j'ai déjà passé ces habitudes à mes enfants. Je n'utilise évidemment pas de poêles non adhésifs, des poêles non-stick, comme on dit en bon anglais. Et donc, plein de choses comme ça, surtout dans la cuisine, qui sont interdites, oui. Et en tant que chercheuse, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce qui aiderait? Bon, les questions qui me semblent importantes à répondre aujourd'hui sont toujours sur les hormones thyroïdiennes et le développement du cerveau. Moi, personnellement, j'aimerais bien comprendre si cette exposition aux perturbateurs endocriniens dans la petite enfance ou dans les périodes prénatales affecte les décisions d'une cellule souche. Par exemple, nous avons déjà démontré ça chez des souris adultes, qu'une cellule souche va devenir soit un neurone, soit une cellule gliale en fonction des hormones thyroïdiennes. La question qui nous reste à répondre, à définir, c'est est-ce que ceci est la même chose pour un cerveau en croissance? On a des indications que ça peut être le cas. Et si c'est vraiment le cas, il faut vraiment commencer à mieux réglementer les problèmes des perturbateurs endocriniens. Parce que quelles sont les conséquences de ce que vous dites? On sait déjà que les taux des hormones thyroïdiennes maternelles vont déterminer non seulement le QI de l'enfant à naître, mais aussi son rapport de matière grise à matière blanche. Donc, sachant que les cellules gliales donnent de la matière blanche, c'est ça? Oui, c'est ça. Les cellules gliales donnent de la matière blanche. Donc, sachant que les hormones thyroïdiennes chez la mère vont déterminer non seulement le QI, mais ces ratios. Et nous savons déjà aussi que les cellules souches peuvent devenir neurones ou cellules glies en fonction des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand on est exposé à des perturbateurs endocriniens. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de matière grise que de matière blanche? Il faut un bon rapport. Et il faut le bon rapport de matière blanche à matière grise, parce que les cellules gliales sont aussi très importantes. Mais il faut quand même un certain nombre de neurones. Et voilà, si ces ratios sont modifiés par les perturbateurs endocriniens, voilà la question que je me pose pour les années à venir. Et les générations futures en dépendent? Évidemment, les générations futures dépendent. Leur intelligence en dépend. Barbara Domenech, c'est l'auteur de deux ouvrages glaçants, parus chez Odile Jacob, Cocktail toxique et Le cerveau endommagé. Je vous rappelle que tous les aventuriers de l'été sont en ligne sur franceinter.fr et dès mercredi, vous pourrez également retrouver de nombreux chercheurs de l'émission dans Les promesses de la science, un livre qui paraît chez Flammarion et qui est préfacé par Joël de René. Stéphanie Texier réalise Les aventuriers avec Rebecca de Nantes. Merci à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Demain, on continue à s'intéresser aux effets de l'environnement sur notre santé avec Rémi Slama, épidémiologiste environnemental à l'INSERM. Ce qu'il raconte n'est pas rassurant non plus, mais passez quand même une très bonne fin de journée sur France Inter et à demain.